charme bouillonne en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Je suis malade, malade d'amour. Oui, je... sentez le parfum. Montez. Sentez le parfum. Jésus, continue de nous imprégner de ton odeur. Nous voulons être imprégnés de toi. Ta présence, pas juste intellectuelle, mais ta présence dans l'esprit au milieu de nous. Imprègne-nous encore de toi, Seigneur. Seigneur, on veut apprendre à t'adorer en esprit, en vérité, dans tous les domaines de notre vie. Et on veut reconnaître ta souveraineté, apprendre à te laisser être le patron, être le maître, et rester à notre place. Mais c'est une grande place d'être au pied du roi. C'est une grande place de pouvoir être tes serviteurs, Seigneur. Merci pour ça. Que tu fais. Thank you. semblable à toi, éternel des armées. Personne n'est comme de toi, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans tout l'univers. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir. C'est toi le pouvoir suprême. C'est toi l'autorité suprême, le Dieu que nous servons, que nous adorons. Un père, un ami, mais un Dieu puissant, éternel. C'est toi. Il n'y en a point d'autre. Et nous reconnaissons ta souveraineté, Seigneur. Nous sommes là pour reconnaître ton autorité, Jésus. Pour nous soumettre à ta puissance, à ta toute puissance, à ton pouvoir éternel. Nous sommes tes serviteurs. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître. Tu es le patron, tu es le chef, tu es le président, tu es tout, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, serviteurs, serviteurs. Adorateurs, adorateurs, serviteurs, serviteurs. je t'aimais. Sauveur, tu es mon sauveur. Sauveur, oui je t'aimais. Sauveur, tu es mon sauveur.